Bonjour, c'est Léa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com/podcastscience et de nous faire un petit don. Ou même un tout petit, hein. Pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode. Bonsoir, les soirées de confinement se suivent et se ressemblent, et sur Podcast Science, on préfère quand même éviter cela. Alors ce soir, Topo va nous parler de son domaine de prédilection, les vaudévo, mais pas de n'importe quel sujet. Ce soir, focus sur l'évolution des membres chiridiens, mot compliqué pour désigner les pattes des animaux. À quatre pattes. Avouez, vous êtes toujours demandé comment il était possible que notre bras, l'aile d'un oiseau, la patte d'un cochon ou l'aile d'une chauve-souris aient une origine commune. Alors, pour ne pas spoiler l'épisode, je ne vous en dirai pas plus. Nous allons suivre Topo pour remonter le temps et comprendre l'évolution comme si on y était. Nous sommes le mercredi 29 avril de l'an 2020. Il est 20h30, enfin presque, et bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui ai l'honneur d'être la maîtresse de cérémonie. Et nous avons, autour de la table habituelle, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Nous avons Pascal depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde. Nous avons Joanne depuis Chamonix, enfin Paris. Salut. Nous avons Topo depuis Paris. Bonsoir à tous. Et nous avons Alexa, depuis Los Angeles. Salut tout le monde! Voilà, donc le dossier de ce soir est donc présenté par Topo, et eh bien, je lui laisse la main tout de suite. C'est à toi, Topo. Je vous laisse la main sur un sujet sur le membre chiridien. C'est plutôt bien vu, bravo Irène. Alors aujourd'hui, je vous propose un dossier assez hybride, puisque c'est l'adaptation d'un vieux billet de mon blog, Strange Stuff and Funky Things, qui est tout aussi vieux d'ailleurs, que j'envisage donc de dépoussiérer et mettre à jour en vue de l'intégrer dans un projet de livre qui parlera de mes tribulations en tant que maître de conférence. Encore un projet de livre ? Alors, un parmi mes projets de livre. Voilà, passons à autre chose. Quelle star. Non, c'est des projets, c'est tout. On dirait Iris Abercade. Oh l'enfoiré. Ah, la comparaison de traître. Tout à fait, en 2008, eh bien, je bénéficiais d'une extension de mon temps de préparation à ma soutenance de thèse. Normalement, ça dure 3 ans. Et je devais bénéficier d'une 4e année de thèse. Et plusieurs options s'offraient à moi pour me permettre de financer une 4e année de doctorat, mais mon attraction naturelle pour l'enseignement m'avait poussé à postuler à un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce qu'on appelle ATER dans le jargon de l'université. Et donc le deal, c'était le suivant, je m'engageais à finir ma thèse dans l'année, mais aussi à prendre une demi-charge d'enseignement correspondant à 96 heures de cours, donc de travaux dirigés ou de travaux pratiques, rémunérés grosso modo à hauteur d'une bourse de thèse. J'allais donc goûter pour la première fois, lors de cette dernière année de mon doctorat, au mélange exotique d'une activité prolongée et simultanée de recherche et d'enseignement. Alors mon laboratoire de recherche ayant un lien étroit avec la biologie animale, il semblait normal que mes enseignements soient associés à cette discipline, bien que n'ayant jamais moi-même suivi de cours de biologie animale durant mon cursus universitaire. L'essentiel de mon savoir sur le sujet ayant été laborieusement acquis par des heures de lecture de manuels et d'articles scientifiques pendant mon doctorat. L'été 2008, j'étais donc convié à ma première réunion d'enseignement avec l'équipe de biologie animale de l'université Paris 7 Denis Diderot, et j'y apprenais que ma charge d'enseignement serait essentiellement consacrée à la supervision de travaux dirigés et travaux pratiques dans le cadre d'une unité d'enseignement portant le titre d'introduction générale aux sciences du vivant. Un vaste programme. Et parmi les activités proposées, j'étais très surpris de découvrir que l'une de ces séances n'avait pas pour cadre les salles de notre campus universitaire, mais se tiendrait dans celle d'un musée, la Grande Galerie de l'Évolution. Pensée comme une visite accompagnée, nous emmènerions nos étudiants à la découverte des spécimens naturalisés en commentant la diversité des espèces exposées et leur plan d'organisation. Alors, pétrifié à l'idée de me retrouver incapable de nommer tel ou tel spécimen, j'avais écumé le site internet du muséum à la recherche de tout support pédagogique pouvant m'aider à maintenir un semblant de légitimité face à des étudiants dont je devais être au mieux 10 ans l'aîné. Bénéficiant moi-même de tarifs avantageux du fait de mon statut d'étudiant doctorant, je m'étais rendu plusieurs fois dans ce prestigieux bâtiment pour préparer au mieux cette angoissante visite. Et du coup, durant ces visites et durant ces recherches, j'apprenais que la Grande Galerie de l'Évolution, c'était en réalité une ancienne galerie de zoologie qui avait été inaugurée en 1889. Les spécimens naturalisés qu'elle abritait étaient éclairés par la lumière naturelle qui filtrait par une imposante verrière, et malheureusement, en absence de source de financement suffisante, celle-ci s'était tellement dégradée qu'elle imposa la fermeture de la galerie en 1966. Alors il aura fallu attendre 1994 pour que de titanesques travaux de rénovation aboutissent à la réouverture d'une galerie métamorphosée, exposant une grande partie de la collection d'animaux naturalisés de l'ancienne galerie de zoologie, mais dont la mission muséologique serait maintenant d'illustrer les mécanismes de l'évolution des espèces. Ce remaniement, ça me fascinait, je m'étais mis moi-même à me documenter frénétiquement sur l'histoire de ce bâtiment et de cette collection. Et parmi mes trouvailles, je découvrais le fantastique documentaire « Un animal, des animaux » de Nicolas Philibert, qui suit les différents instigateurs de la transfiguration de cette galerie. Alors mon respect pour ces acteurs de l'ombre devenait immense et je me sentais maintenant investi d'une mission de sensibilisation aux beautés de ce patrimoine du savoir scientifique, en plus de celles issues de la biodiversité. Il s'avère que notre visite guidée allait elle-même subir une métamorphose similaire, une évolution, puisque plus de 12 ans dans le futur, je continue d'emmener des étudiants sur le site du muséum, mais nous troquons aujourd'hui aux sombres allées de la Grande Galerie de l'Évolution les coursives lumineuses du vieux bâtiment de la Galerie d'Anatomie Comparée. Mais dans chacune de ces galeries, c'est une petite vitrine contenant 5 préparations squelettiques qui nous offre le meilleur moyen d'aborder des notions évolutives fondamentales. Dans chacune de ces galeries, c'est une petite vitrine contenant 5 préparations squelettiques qui nous offre le meilleur moyen d'aborder des notions évolutives fondamentales. Dans la Grande Galerie de l'Évolution, ce sont 5 membres antérieurs d'un dauphin, d'un manchot, d'un huîtrier pie, c'est une sorte d'oiseau qui mange des huîtres, d'où huîtrier pie, d'une chauve-souris et d'une martre. Et la vitrine est si sombre qu'il faut souvent utiliser une lampe torche ou un téléphone pour illuminer ces petits spécimens, devant laquelle nous invitons une vingtaine d'étudiants à s'agglutiner. On pourrait déplorer le procédé pédagogique qui évite de s'intéresser aux plus grandes pièces naturalisées du muséum, mais il s'avère qu'à eux seuls, ces 5 squelettes de membres résument parfaitement 2 concepts essentiels en évolution, les concepts d'homologie et de convergence évolutive. Et c'est ce que je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer sur Podcast Science. Alors le groupe auquel appartiennent ces 5 animaux, je rappelle dauphin, manchot, huîtrier pie, chauve-souris et martre, ce groupe-là s'appelle les amniotes. Cela signifie que leur dernier ancêtre commun était adapté à une vie terrestre, traînant sa bedaine sur la terre ferme à l'aide de ses 4 pattes et pondant des œufs hors de l'eau. Si on avait ajouté le squelette d'une patte de grenouille, cela aura étendu le club à celui de tous les tétrapodes, l'ensemble de la lignée des animaux descendus d'un ancêtre quadrupède. En effet, l'une des caractéristiques spécifiques des tétrapodes, ce sont 4 membres osseux, ayant une structure très particulière, les membres chéridiens. Alors, chéri quoi ? Chiridien. Ça s'appelle C-H-I-R-I-D-I-E-N, et ça vient du grec « ker », ce qui signifie « la main ». D'ailleurs, petit cours d'étymologie, on retrouve ce préfixe dans « chiropractie », chiromancie, la magie de prédire le futur en lisant les lignes de la main, ou encore Kier Royal. Et cette blague, éprouvée depuis une dizaine d'années auprès de mes étudiants, remporte, je dois l'admettre, un succès souvent assez mitigé. Je te remercie, Eléa, d'avoir rigolé. Comme... Irène. Bah oui, mais oui. C'est bien gentil. Je suis beaucoup plus populaire auprès de vous que auprès de mes étudiants. Nous, on aime ces blagues de merde. Oui, merci. Donc, le membre chiridien constitue ainsi une innovation évolutive qui a accompagné l'émergence des tétrapodes. Entre évolutionnistes, on appelle ce type de caractère une synapomorphie, c'est-à-dire un caractère qui, s'il est partagé par plusieurs espèces, reflète le fait qu'il soit hérité d'un ancêtre commun exclusif à celle-ci. En d'autres termes, l'ancêtre commun exclusif de toutes les espèces de tétrapodes possédait 4 membres chiridiens et a transmis en héritage cette nouveauté évolutive à sa descendance dont nous, humains, faisons partie, tout comme une grenouille, une martre, une chauve-souris, un huîtrier épi, un dauphin, et c'est un comble, un manchot. Et pourtant, les membres chiridiens de toutes ces espèces ne se ressemblent pas vraiment, et habile celui qui pourra à première vue voir la ressemblance entre le bras d'un humain, la patte d'un carnivore, l'aile d'un tétrapode volant ou encore la nageoire d'un dauphin. Mais le biologiste pratiquant l'anatomie comparée, constatera à la vue des préparations squelettiques de chacun de ses membres qu'ils se composent tous de 3 parties. Alors tout d'abord, il y a, première partie, un seul os qui relie le membre au tronc de l'animal en s'articulant sur des pièces osseuses appelées des ceintures. Alors cet os, cette structure osseuse avec un seul os, c'est ce qu'on appelle le stylopode, S-T-Y-L-O-P-O-D-E, et qui s'articule sur la ceinture pectorale pour l'épaule, pour les membres antérieurs, ou pelvienne, la ceinture pelvienne, dans le bassin, pour les membres postérieurs. Le stylopode correspond donc à l'humérus dans le bras et le fémur dans la jambe. Ensuite, si vous vous tâtez les bras ou si vous vous tâtez les jambes, vous pouvez suivre un tout petit peu l'explication au fur et à mesure que je vous la raconte. Ensuite vient le zygopode. C'est l'autre partie du membre chiridien. C'est un vrai mot qui vaut son paquet de points au Scrabble, hein, Z-E-U-G-O-P-O-D-E. Et c'est une partie du membre chiridien qui est formée de 2 os droits et parallèles. Nous avons donc un zygopode composé du radius et de l'ulna dans le bras, et la fibula et le tibia dans la jambe. Et vient ensuite une multitude de petits os qui composent la dernière partie du membre chiridien, ce qu'on appelle l'autopode. C'est l'autopode qui porte les doigts et qui peut être lui-même subdivisé en 3 parties. Dans la dernière partie, l'autopode, il y a 3 parties. Le basipode, qui est le plus proche du zygopode, suivi du métapode et parachevé par l'acropode. Donc, voilà, hein, ça fait beaucoup de podes à suivre. Je sais. Alors, acropode, juste pour cerner, ça vient du grec acro, qui veut dire le sommet. D'ailleurs, on le retrouve dans acropole, c'est-à-dire la partie qui est la plus élevée dans une ville. L'humain a ainsi une main, un autopode, composé d'une première série d'os coiffant notre avant-bras et qui s'appelle le carpe, le basipode de l'autopode du membre antérieur, prolongé par des os formant le métacarpe, le métapode de la main, et sur lequel s'insèrent les phalanges des doigts, l'acropode de nos paluches. Et pour nos petons, on a les parties basipode, métapode et acropode, de l'autopode, qui prennent les noms de tarse, métatarse et phalange des orteils. Alors, petit conseil pour les auditeurs qui réécouteraient cet épisode en voiture, ne vous tâtez pas le zygopode ou quoi que ce soit de pod en même temps que vous conduisez, c'est dangereux. Oh, de la main, ça peut... Non, je sais pas conduire, donc il faudrait pas... Donc voilà, ça fait beaucoup de pods à apprendre, mais c'est vraiment la structure qui permet de vraiment comparer les membres chiriniens entre tétrapodes. Donc bien que d'apparence dissemblable, les membres antérieurs exposés dans cette fameuse petite vitrine partagent une structure comparable. Et c'est parce que cette ressemblance de structure provient de l'héritage d'un ancêtre commun, l'ancêtre de tous les tétrapodes, que les évolutionnistes considèrent qu'il s'agit d'une véritable homologie. C'est donc une des synapomorphies des tétrapodes, c'est vraiment l'innovation évolutive de l'ancêtre de tous les tétrapodes qu'il a transmis et ensuite qui peut en effet avoir des changements, si ce n'est qu'on retrouve toujours la même structure. Si vous regardez les membres, l'appendice d'un insecte ou d'un poisson, vous ne retrouverez pas cette structure puisqu'elle est spécifique aux membres chiridiens. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la chatroom pour faire... Sinon, je peux vous donner une petite astuce pour pouvoir se souvenir de ça. Moi, j'aime bien rappeler à mes étudiants qu'à l'instar d'un héritage familial, les descendants peuvent en dispenser de la manière qu'ils veulent, et ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. Hein, on peut l'utiliser autrement que nos ancêtres, ou on peut encore s'en débarrasser. Attends, mais là, je vois pas le rapport, quoi. C'est-à-dire ? La ferme des grands-parents avec les pods, je vois pas très bien. Le membre chiridien, c'est l'héritage qu'on aurait eu de notre très très très lointain ancêtre, l'ancêtre de tous les tétrapodes. Oui, oui. D'accord. Oui. Ok. Mais en fait, j'ai sauté un petit paragraphe, c'est pour ça que je suis allé un petit peu trop vite dans mon explication. Mais je vais revenir. Donc, en fait. Mais je suis pas perdue, hein. Pas du tout. J'ai juste oublié un moyen mnémotechnique, en fait, que j'invite périodiquement mes étudiants à adopter. C'est l'astuce suivante. Pour pouvoir vous rappeler qu'il y a un seul os, deux os et une myriade d'os, brisez-vous le stylopode et vous n'entendrez qu'un crack, deux pour le zeugopode, et un crépitement multiple et nauséeux si vous vous brisez consciencieusement tous les os de l'autopode. Et donc, curieusement, cette astuce remporte autant de succès que ma blague sur le Kier Royal. On essaie d'imaginer le résultat final, surtout, et c'est vrai que ça fait pas envie, quoi. Moi, je leur ai dit que j'étais surpris de les voir à l'examen sortir avec leurs membres intacts. vu le nombre d'erreurs qu'après j'ai sur les réponses sur la structure du membre kyridien. Par contre, j'ai pas compris le moyen mnémotechnique. Pourquoi est-ce qu'un bruit, deux bruits, trois bruits, c'est ça? Bah, c'est comme ça, tu sais qu'il y a un seul un os, deux os et plein d'os. Et ouais. Et après, pour boire un kir, c'est vachement dur, en fait. Oh la vache! Ça va trop loin. Enfin bref, heureusement qu'on n'est pas manchot, quoi. Johan, c'est une blague. Hein. C'est pas un bon moyen mnémotechnique. D'accord. S'il y avait un bon moyen mnémotechnique, je ne l'ai pas sur le moment. Stylo, Zugo et autopote. Si, si, attends. Toute astuce qui leur permet d'avoir de bonnes notes, moi je les donne à mes étudiants. Oui. Bah oui. Donc. J'étais allé un tout petit peu trop vite, justement, en relisant mes notes, et j'étais passé, sans vous partager le moyen mnémotechnique, mais je voulais insister sur le caractère homologue de ce que c'est que le membre kyridien chez les tétrapodes. Homologie, ça veut véritablement dire que c'est une caractéristique qu'on partage avec un autre organisme parce que on l'a hérité d'un ancêtre commun. Et ça, c'est très très important à voir. C'est pour ça que ces membres sont tellement importants sur la vitrine, c'est que ce sont 5 membres homologues, bien que leur structure, bien que leur apparence générale est très très très diverse, leur structure est la même. Et pourquoi leur structure est la même? Parce que elle a été héritée d'un ancêtre commun. Mais ce que je veux ensuite, c'est une transition vers une autre problématique, c'est que à l'instar d'un héritage familial, nous, on a hérité le membre kyridien de notre ancêtre tétrapode, mais il y a d'autres espèces qui vont peut-être pas utiliser cet héritage de la même manière. Et c'est là que je disais, ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. C'est là, vrai, j'ai allé un petit peu trop vite. Là, j'ai compris. Bah, quand on lit dans l'ordre ces notes, ça a beaucoup plus de sens. Et oui. Et oui. Désolé. Et oui. Donc désolé pour la chatroom et désolé pour les auditeurs futurs. J'ai fini à peu près une minute avant le début de cette émission mes notes, mais voilà. Je vais m'appliquer un tout petit peu plus pour le reste. Donc voilà. C'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant, et on peut l'utiliser autrement que nos ancêtres. Je sais pas, faire une discothèque ou encore s'en débarrasser. Et à ce titre-là, eh bien nombreux sont les tétrapodes qui, ayant pourtant hérité de magnifiques membres kyridiens, les ont perdus au cours de l'évolution. Donc, de manière surprenante, c'est arrivé à de nombreuses reprises au cours de l'évolution, et on trouve aujourd'hui de nombreux tétrapodes sans pattes. Comme bien évidemment, je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, mais généralement mes étudiants me hurlent les serpents. Les orbets. Les orvets, oui, voilà, il y a d'autres squamates sans pattes, et l'arbre de parenté des lézards et compagnie étant assez touffu, il est difficile de compter combien de fois, de manière indépendante, des lignées ont perdu les pattes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas un ancêtre qui a perdu les pattes et ensuite tous les reptiles sans pattes sont descendants de cet ancêtre. Non, il y a plein de différents lignées qui ont perdu les pattes au cours de l'évolution parmi les tétrapodes. Les dauphins. moi je comptais sur l'ensemble des pattes, mais on parlera des dauphins en effet un tout petit peu plus tard, qui a perdu en effet deux membres. Les cul-de-jattes. Oui, mais alors là, pour le coup, généralement c'est pas un ancêtre qui leur a transmis ce caractère. Mais Joël. Ouais, je disais, bon, désolé, ma qualité est vraiment merdique aujourd'hui. Je fais un petit aparté aussi ici sur ce que tu dis, Topo, ce qui est que dans l'évolution en général, perdre des choses, des membres, des gènes, des structures, quoi que ce soit, de plus en plus, on se rend compte à quel point c'est une sorte de règle pour l'évolution aussi. Du coup, je trouve que voilà, parler de la perte des membres ici, ça permet aussi d'introduire un truc encore plus large qui est évoluer en perdant des choses. C'est vraiment quelque chose qui est central, qu'on considère central dans l'évolution aujourd'hui. Exactement. L'évolution, ce n'est pas nécessairement une quête vers plus de complexité. La perte fait partie de l'évolution. Très beau. Et puisque l'évolution, faut vraiment imaginer, l'évolution, c'est changer. C'est pas accumuler plus, c'est juste changer. Et perdre des choses, c'est changer. C'est beau. C'est très philosophique. Oui. C'est très beau. Oh bah, attends. Ouais. Très bien. Donc, on en était à énumérer le nombre de lézards sans pattes qui existent. On dit aussi les lézards apodes, sans pattes, ça veut dire la même chose. Donc, Eléa nous parlait des orvets, bien entendu. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu dans la nature ces orvets, donc ce sont des lézards sans pattes. Mais il y a aussi des lézards qui appartiennent à la famille des anguidés, donc qui sont proches parents les anguidés, c'est le groupe dans lequel on a les orvets, mais il y a aussi d'autres espèces de lézards sans pattes qu'on n'appelle pas orvets et qui font partie de ce groupe-là. Il existe deux autres genres de lézards sans pattes, les ophisaures, surnommés les serpents de verre, et le Scheltopusik, un orvet géant des Balkans. Ah non, mais attends, ce nom, il est incroyable, le Scheltopusik. C'est un nom russe pour le désigner. Je sais pas exactement à quoi ça fait référence. Je sais pas si je préfère ça ou orvet géant des Balkans personnellement. Moi je préfère Scheltopusik. Bah oui, moi je trouve ça sympa, Scheltopusik. Non mais orvet géant des Balkans, c'est vrai que ça impose. C'est vrai. Alors pour les amateurs de ça, géant, de lézards en tout genre, c'est 1m50 je crois. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord, oui. C'est belle bête. 135 cm. On est pas mal là. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Ouais. On est sur du costaud. C'est du rue, ouais. Bon, c'est, non, j'allais dire, c'est du matériel soviétique, mais bon. c'est du brut. Ouais. Alors, il y a aussi des geckos sans pattes, comme ceux de la famille des pygopodidés, une pléthore de lézards qu'on appelle les cinq, des amphisbènes, des dibamidés, des cordylidés, des gérocéridés, des gymnophthalmidés, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les écailleux qu'on trouve chez les écailleux qu'on trouve des tétrapodes sans pattes. Et il existe aussi des amphibiens apodes, les fameux gymnophiones. Enfin, je dis les fameux, mais généralement, la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est. Et bah, en fait, ce sont des amphibiens, c'est donc des proches parents des salamandres et des grenouilles, mais qui sont totalement dépourvus de pattes. Gymnophiones, ça signifie d'ailleurs littéralement les serpents nus, du fait que les amphibiens ont la peau sans écailles, poils, plumes ou autres fanères. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on les appelle donc des serpents nus, même s'ils sont absolument pas proches parents des serpents, mais plutôt proches parents des salamandres et des grenouilles. Voilà. On pourrait même s'intéresser aux lignées de tétrapodes disparus, mais ce serait risqué de faire baisser les bras à l'auditoire plus ou moins attentif. Remarquerait le jeu de mots tout pourri que j'ai encore réussi à placer. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Encore une fois, c'est adorable, Irène, de rigoler mes blagues. C'était baisser les bras, la blague. Oui. Voilà. C'est bon, je l'ai. Yes. Les bras m'en tombent. Voilà. Ah, les bras m'en tombent, c'est un tout petit peu plus loin, mais d'accord. T'arrêtes de spoiler, de divulgâcher les blagues mais de son cours, là. Mais j'ai pas fait exprès. C'est pas grave, bah, en même temps, elles sont toutes nulles, alors bon, c'est facile à les trouver. Alors, souvent, parmi les étudiants, il y en a quelques-uns qui se retrouvent quand même agités à l'idée de manier l'oxymore de tétrapode sans pattes. Pourquoi diable vouloir classer les serpents parmi les tétrapodes, bah, s'ils ne sont pas quadrupèdes? Eh bah, ben, pour le pédagogue, l'exercice devient périlleux, car il faut que le message reste limpide, tout en jonglant avec le désir parfaitement humain de vouloir faire rentrer n'importe quelle espèce dans une catégorie bien fermée. Alors il faut alors rappeler que la classification que l'on réalise quand on groupe entre elles les espèces, c'est une classification selon le degré de parenté entre ces espèces et pas selon le degré de ressemblance entre les espèces. C'est la fameuse discipline de la phylogénie. Si vous voulez d'autres émissions sur la phylogénie, vous pouvez voir celui dans lequel on explore la diversité du vivant, des épisodes d'il y a très très très longtemps. Alors, en revenant à la notion d'héritage, j'essaye souvent d'expliquer que si d'une famille de fermiers depuis des générations, un enfant décide de briser la coutume et de tenter sa chance à vivre dans un milieu urbain, eh ben, il n'en restera pas moins membre de cette famille. C'est pas parce qu'il est devenu urbain que tout de suite il est déshérité. Il est né dans cette famille, il appartient à cette famille, quoi qu'en disent les parents. En d'autres termes, des innovations évolutives caractéristiques d'une lignée, les fameuses synapomorphies, peuvent disparaître ou accumuler suffisamment de modifications au cours de l'évolution pour devenir totalement méconnaissables. Mais, de temps en temps, j'ai affaire à des étudiants encore plus sceptiques et qui doutent formellement que les serpents puissent être des tétrapodes, quelle que soit leur raison. Et sans le savoir, ils m'offrent alors une excellente manière de pousser leurs camarades à chercher des arguments valables pour prouver que les serpents ont bel et bien perdu leurs pattes au cours de l'évolution. Car généralement, je donne la charge de convaincre le sceptique au reste de ses camarades, et un silence pesant a tendance à s'installer. Puis une main se lève et propose que l'on pourrait éventuellement trouver des preuves fossiles de la disparition des pattes dans la lignée ayant donné les serpents. C'est bien entendu une excellente suggestion, et j'évoque alors quelques fossiles célèbres de serpents datant du Cénomanien, c'est entre 100 et 93,9 millions d'années avant notre ère, et sur lesquels des membres sont apparents. C'est le cas du serpent marin fossile Aasiophis, découvert de manière amusante à 20 km de Jérusalem, le serpent Pachyrhachis, découvert en Palestine, et le serpent Eupodophis, découvert dans un village libanais. Pourquoi tu dis que c'était amusant de le découvrir à 20 km de Jérusalem? Parce que c'est un serpent à pattes, et si tu connais bien la Genèse, il en est question. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Terra Sanctus? Exactement, parce qu'il a été trouvé en Terre Sainte. Ah, c'est beau. Et l'autre, Pachyrhachis problematicus, pourquoi s'appelle-t-il problematicus? Parce qu'il pose problème dans les fameuses classifications, puisqu'on doit mettre un serpent avec des pattes postérieures dans les classifications parmi les tétrapodes, d'où problematicus. Et Pachyrhachis, ça veut dire un rachis. C'est un des os de je sais pas où. Hein. Gépif demande s'il y avait une pomme à côté du serpent. Bonne question. Le rachis, c'est la colonne vertébrale. Paki, ça veut dire que c'est très épais. Voilà. Attends, Pachis ou rachis? Rachis, ça veut dire rachis. Ouais. Et Paki, ouais. C'est comme pachyderme. Oui. Ça veut dire épais. Pachyderme, ça veut dire le derme épais. Oui. Parce que les pachydermes ont... Une peau épaisse. Voilà. Ouf. Non, heureusement que t'es là, il est. Hein. Je suis. Ouais. Ça faisait un petit peu le perse. Je suis. Je suis une peau épaisse. Bon. Et donc, vous l'aurez compris, chacun de ces fossiles possède des structures réduites, mais immédiatement identifiables comme des pattes postérieures. La plupart incomplètes, c'est-à-dire sans œugopodes ni autopodes, et en plus flottantes, c'est-à-dire non rattachées à la colonne vertébrale. Alors à cette collection de spécimens fossiles du Moyen-Orient, on complète par Najash Rionegrina, une dépouille de serpent retrouvée en Argentine dans l'étage stratigraphique supérieur au Cénomanien, c'est-à-dire environ 90 millions d'années avant notre ère, et qui porte des pattes, cette fois-ci, attachées à la colonne vertébrale par un sacrum. Mais surtout, il y a l'incroyable fossile Tetrapodophis amplectus, dont le nom de genre signifie littéralement serpent tétrapode. Découvert au Brésil et vieux de 120 millions d'années, ce fantastique spécimen porte 4 membres chirridiens complets, mais cependant le crâne de l'animal est tellement abîmé qu'il est difficile de l'utiliser pour classer le fossile, et certains paléontologues se disputent encore aujourd'hui pour déterminer s'il s'agit bel et bien d'un serpent ou d'une espèce de squamate apparenté. C'est donc là la limite des preuves fossiles. Souvent, sans possibilité d'extraire des données moléculaires, on se retrouve à classer des organismes uniquement à travers l'analyse minutieuse de caractère morphologique, ce qui peut nous amener son lot d'imprécisions et d'ambiguïtés. Du coup, j'invite à mes étudiants de trouver un nouveau type de preuve pour chercher à démontrer que les serpents sont bien des tétrapodes. Assez logiquement, après avoir évoqué des membres réduits trouvés sur certains fossiles, un bon nombre d'entre eux pense alors aux caractères vestigiaux, à l'instar du coccyx chez l'humain. C'est le vestige d'une queue qu'arboraient nos lointains ancêtres simiesques. Eh bien, il s'avère que chez des différentes espèces de serpents actuels vivant sur notre planète en même temps que nous, comme les pitons et les boas, on peut trouver des vestiges de membres postérieurs quand on étudie attentivement leur anatomie. On peut trouver sur des squelettes un bassin et des membres postérieurs très réduits, quoique plus développés chez les mâles. D'aspect externe, il s'agit d'excroissance, on les appelle aussi les ergots, qui leur sont essentiellement utiles lors des parades amoureuses, lorsque le mâle va chatouiller ou agripper la femelle, et elles peuvent même également servir au mâle pour blesser un rival. Donc, des vestiges de pattes existent bel et bien dans l'anatomie des pitons et des boas. Alors, à ce moment, j'affirme à mes étudiants qu'il y a encore d'autres manières de prouver que les serpents avaient bien des pattes. D'autres manières de le prouver. Affirmation souvent accompagnée d'un pesant silence, encore une fois, que je brise en demandant comment apparaissent les ergots d'un boa ou d'un python. Alors, en réfléchissant à ça, généralement s'ensuit alors une cacophonie où s'en mêlent les termes bébé, serpenteau, mais aussi développement et embryogenèse. Serpenteau. C'est généralement un moment où je vois dans leurs yeux les cases qui se mettent ensemble, ils sont là, ah j'ai compris, voilà. Mais ça m'évoque une vraie question, comment on appelle un bébé serpent du coup pour de vrai? Serpenteau. C'est vraiment un serpenteau? Oui, au même titre que le bébé d'hérisson s'appelle un choupisson. Mais ça c'est toi qui l'as stipulé. Eh ben, c'est faux, n'écoutez pas ça. C'est vrai et c'est tout. Ce podcast ne servira pas à diffuser ta propagande. Il y a propagande si je veux. Mon tour. Serpenteau, c'est vrai, je viens de vérifier. Choupisson, c'est pas vrai, mais par contre, c'est mignon, on peut le garder. Ouais. C'est aussi une petite fusée volante à mouvement sinueux, feu d'artifice. Et qu'est-ce qu'on voit quand on tape choupisson? Carpionnaire. Là, savez-vous comment s'appellent les petits des animaux, hein, voilà. Je vaincrai, et tu verras, Joanne. Tu verras. Alors, le premier résultat que j'ai, c'est depuis que la nouvelle s'est répandue que le petit du hérisson s'appelait le choupisson, en réalité, il n'y a pas de nom spécifique à tester, Twitter s'est enflammé pour ce mot si mignon. Ah, voilà. Pierre, tu dois être fier de toi. Ah, mais tellement. Ouais, tu peux. Donc serpenteau, ça existe vraiment, ouais, bah voilà. Mais en même temps, j'ai vu que mon correcteur orthographique ne tiquait pas à serpenteau, donc est-ce qu'il tique à choupisson? Non, mais en plus tu savais pas, tu... Ah, il tique pas à choupisson. Non, ça existe. Le choupisson, c'est vrai que c'est mignon comme mot, hein, quand même. Exactement. Le choupisson. Et sur le blog de Cédric Lemaire, il se dit très attristé de n'avoir jamais appris auparavant que un bébé hérisson était un choupisson. Voilà. Mais il doit être encore plus triste de ne pas avoir inventé le mot quand même. Je tiens à signaler qu'il a existé pendant 2 jours sur Wiktionnaire. et plusieurs semaines sur Wikipédia, mais il y avait une bataille rangée pour c'est le vrai faire sauter. Ah ouais? Ah ouais. Ah non, mais c'est une tristesse. Ah bah si. Bah, c'est interdit de mettre des trucs inventés sur Wikipédia. Ouais, c'est pour ça. Mais il y a des gens qui ont dit, ça y est, sens commun, etc. Il y a des mots qui s'inventent. Hein. Ouais. Bah ouais. Bah, Idriss Aberkan a une page. j'ai pas compris, là. Non, il s'est pas inventé, lui. La controverse autour de lui n'est pas sur son existence. Oui. Oh putain, les règlements de compte. Bon, revenons. Revenons au choupisson. Ah, moi, j'en profitais pour boire, tout va bien. Bref, bébé, serpent, serpenton, on va parler de développement, d'embryogenèse. Parce que, en effet, ces ergots, ils apparaissent pas comme ça magiquement à l'âge adulte, ils se mettent en place au cours de l'embryogenèse des serpents, à une étape particulière du développement qu'on appelle la morphogenèse, et pendant laquelle on voit apparaître des bourgeons de membres chez les tétrapodes. Alors, c'est le vrai terme, bourgeon, parce qu'on voit chez un embryon de souris ou un humain par exemple, 4 petites bouboules apparaître durant la morphogenèse. Ces bourgeons vont ensuite s'aplatir, former une sorte de crête à l'extrémité, et s'allonger pour constituer quasi simultanément les stylos, zygotes et autopodes. Attention, il y aura un quiz. Hein, je vais vous demander ce que c'est à la fin. Sur la J'espère ferme entendre des grands-parents. Non, des stylos. Mais non. Ah, pardon. Sur les zygopodes. Exactement. Le bruit que fait... Voilà, zygopode, combien de craques? 2 bruits. Oui, très bien, parfait. Ah. Bravo Irène. En étudiant l'embryogenèse des serpents comme les pitons et les boas, on peut déjà s'extasier de l'apparence des fœtus serpentins avec leur long corps enroulé comme une spirale dans l'œuf. mais aussi de constater que, près de leur cloaque, le cloaque c'est le trou à tout faire, hein, on trouve bel et bien des petits bourgeons de membres, alors que ceux-ci sont absents en position antérieure. Donc, une nouvelle manière de prouver que les serpents sont bel et bien des tétrapodes. Alors, malheureusement, trop compliqué et digressif à exposer à des étudiants de première année d'université, j'évite d'aborder, hélas, le sujet ô combien passionnant de l'évo-dévo des membres de serpents. Car les images des bourgeons de membres embryonnaires de pitons proviennent souvent de laboratoires en évo-dévo qui cherchent à comprendre, au niveau génétique, pourquoi les bourgeons de membres de serpents n'arrivent pas à mettre en place un membre chirydien complet. Eh bien, des chercheurs, en comparant les régions régulatrices des gènes cruciaux pour la formation des membres chez les tétrapodes, ont mis en évidence une altération de celle-ci dans le génome des pitons. En regardant les régions qui permettent d'activer des gènes permettant la formation des membres, eh bien, en voyant à quoi ça ressemble chez les pitons, ils se sont aperçus que ces régions sont réduites. Il y a un trou à l'intérieur. Et pour démontrer que c'est bien ces régions régulatrices pitonesques qui empêche la progression normale de la formation des membres, eh bien, ces chercheurs ont troqué les régions régulatrices de souris avec celles de pitons et ont constaté le défaut de développement de leurs membres qui résulte en des souris qui naissent sans pattes. Et pour reprendre le vocabulaire de ces chercheurs, ils parlent de souris serpentifiées. Oh, c'est complètement incroyable comme image. Je vous invite à regarder dans les notes d'émission. Alors, bien entendu, c'est triste pour les souris, mais c'est un résultat complètement incroyable de voir au niveau génétique quelque chose de conservé après des centaines de millions d'années qui séparent une souris d'un serpent et qui fait que, malgré tout, la machinerie cellulaire de la souris, au cours du développement, interprète cette absence de région régulatrice comme un problème ne permettant pas de former des membres antérieurs et des membres postérieurs. Waouh! Je sais pas s'il y a des questions dans la chatroom pour l'instant. Pour l'instant pas. Alors j'ai mis aussi dans la chatroom quelques images de buds justement. Mm-hmm. Ces fameux bourgeons, en anglais on les appelle les limb buds. Alors, puisqu'on trouve des bourgeons de membres et des vestiges de pattes chez les pitons, bah, il arrive parfois qu'un étudiant demande si certains serpents ne pourraient pas développer des pattes. Si on n'a jamais vu des serpents à pattes, des serpents actuels naître avec des pattes, genre des mutants comme ça. Cela reviendrait donc à ce qu'un piton réactive le développement du bourgeon de membre. Sachant qu'il y a quand même des bourgeons de membre qui se forment et que c'est juste une petite région régulatrice qui empêche le développement de ces bourgeons, ça semble quand même assez vraisemblable. Ce genre de serpent mutant porterait ce qu'on appelle un caractère atavique, c'est-à-dire la résurgence d'un caractère ancestral disparu chez des espèces actuelles. Et ça constitue bien entendu une preuve supplémentaire apportée à un étudiant sceptique qui douterait que des serpents puissent être des tétrapodes. Eh bien, à ma connaissance, il n'existe qu'une documentation d'un cas d'atavisme chez un serpent qui porte des sortes de griffes à l'extérieur de son corps. Mais sinon, il y a quelques petites images d'un serpent dans lequel il y a une patte qui sort de son abdomen, mais vu que ça n'a pas été véritablement documenté dans une publication scientifique, il se pourrait tout à fait que ce soit du Photoshop ou encore pire, tout simplement un serpent qui a mangé un lézard et la patte du lézard qui est sortie par l'abdomen. Ah oui, c'est pas une espèce de serpent qui aurait des griffes, c'est qu'il y a une photo d'un animal. Un individu. Un individu, ouais. C'est vraiment un mutant et c'est très très très très très rare, en effet. Puisque ça c'est une mutation qui potentiellement forme d'autres problèmes sur le développement de l'animal, etc. Donc voilà, c'est un faisceau de preuves qu'on a, fossiles, vestigiales, embryologiques et ataviques, qui appuient le fait que les serpents soient bel et bien des tétrapodes. En plus, bien évidemment, des données phylogénétiques, hein, bien entendu. Hein, il suffit de faire le travail de classification en utilisant les données moléculaires pour s'apercevoir que les serpents se logent très très bien parmi tous les autres tétrapodes, comme d'ailleurs tous les cas de squamates sans pattes ou le gymnophione qu'on a vu avant. Mais c'est quand même beaucoup plus spectaculaire de montrer des serpents avec des mini-griffes que de parler de données moléculaires pour faire de la phylogénie, bien entendu. Alors, pour ancrer cette manière d'argumenter, je propose alors aux étudiants d'étayer que les humains ont bel et bien perdu une queue au cours de l'évolution. Alors, nonobstant les données fossiles, hein, qui sont compliquées à solliciter sur le moment, ils arrivent facilement à évoquer la présence d'un coccyx, caractère vestigial, vestige de cette fameuse queue que nous aurions possédée au cours de notre évolution. Certains évoquent les images d'embryons humains, où on voit la queue proéminente qui est apparente, mais qui cesse de se développer par la suite. Par contre, la surprise vient quand j'évoque, pour conclure, que, bien que très rare, eh bien, des cas documentés d'atavisme existent chez certains bébés qui naissent avec une queue de quelques centimètres dépassant de leur postérieur. Et je vais en profiter pour faire un petit test et voir si une de mes copines écoute ce podcast, puisqu'elle m'avait avoué qu'elle, elle était née avec une toute petite queue. Donc je ne dirai pas quelle personne de mon entourage est née avec une petite queue, mais si elle écoute ce podcast, elle pourra m'envoyer un SMS me dire connard. Voilà. J'aime bien les tests que tu fais avec tes amis, t'es sympa toi. Ouais, ouais. Donc voilà, ce genre de petite queue, c'est une petite opération chirurgicale permet de l'enlever de manière assez facile. Mais voilà, à parler sans discontinuer de membres qui disparaissent au cours de l'évolution, on en vient à oublier de s'extasier sur ceux qui sont restés et qui sont dans cette fameuse vitrine. Retournons donc à nos 5 membres chiridiens différents. Alors, il y a quelque chose quand même qui est frappant quand on regarde cette vitrine de 5 membres chiridiens différents, c'est que on peut voir qu'il y a des modes de locomotion différents si on compare les animaux qui y sont représentés. Je vous rappelle qu'il y avait un dauphin, donc le mode de locomotion c'est plutôt aquatique, hein, c'est de la nage. Il y avait le vol battu qu'on peut voir à travers la chauve-souris et l'huîtrier pie. Il y a un autre animal qui nage, c'est le manchot. Et enfin, il y a la martre qui va plutôt marcher. Donc on a la nage, le vol battu et la marche. Mais c'est pas du tout ce mode de locomotion qui était réalisé par l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun de tous les tétrapodes. À vrai dire, le dernier ancêtre commun de tous les tétrapodes, lui, il réalisait une locomotion qu'on appelle la reptation, c'est-à-dire le fait de ramper. Alors c'est quoi la différence entre marche et ramper ? Quand on rampe, on a l'abdomen et le ventre qui est en contact avec le sol. Donc il y a beaucoup d'animaux qui rampent, hein. Il y a certaines salamandres par exemple qui sont capables de reptation, mais c'est pas le cas de c'est pas le cas par exemple de la martre qui a le ventre bien au-dessus du sol. Il y avait une question, j'ai vu passer un petit moment. Oui. Alors en fait, il y a Daon qui dit que elle a déjà entendu un cas de branchie vestigiale chez l'humain. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, on a bel et bien des vestiges de branchie, mais ce sont des données embryonnaires. En effet, et je pense qu'il y a une image que j'ai mise dans la chatroom dans laquelle on voit l'embryon d'humain dans lequel apparaît la queue au même stade, donc où on voit la queue qui va ensuite se résorber pour donner le coccyx. Et bien au même stade, on a des fentes qui apparaissent autour de la tête du fœtus en apparition. Ces fentes, ce sont des vestiges embryonnaires de les branchies, des branchies qu'on avait au cours de l'évolution de l'ensemble d'ailleurs des amniotes. Et est-ce qu'il y a des cas de persistance après le développement de ça ou... À part chez Harry Potter, je ne crois pas. Et du coup, j'en profite pour dire un truc aussi. En fait, c'est drôle que tu fasses ça aujourd'hui, Topo, parce que je suis justement en train d'écrire une revue scientifique sur la vestigialité et les pertes, ce genre de choses. Et ce qui est super intéressant, je trouve aussi, dans ce que tu dis là, c'est que effectivement, on a chez les animaux, on a des pertes à différents niveaux. On peut perdre au niveau du bud, on peut perdre avant le bud, on voit l'expression des gènes et puis ça disparaît, on peut perdre la structure quand elle est aussi vachement plus développée. Donc on a un continuum en fait de pertes, de juste l'induction, le tout début de la formation, jusqu'à garder un organe qu'on appelle vestigial dont tu as parlé. Et je trouve que dans ce que tu racontes là, c'est hyper clair parce que tu nous as donné un peu plusieurs exemples de ça et c'est super intéressant. Les serpents, comme les pythons et les boas, portent dans le même corps les deux processus. C'est-à-dire exactement. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez un tout petit peu les fossiles dont je vous évoquais, je vous ai parlé de fossiles dans lesquels on voyait des pattes postérieures, mais pas de pattes antérieures. Je sais pas si vous représentez un tout petit peu le caractère hyper strange de ces espèces-là. C'est-à-dire, c'était des espèces avec une sorte d'énorme cou, un tronc prolongé d'un cou, très très chelou, puisqu'il y avait que des pattes postérieures, quoi. Et ça veut dire qu'au cours de l'évolution, ces animaux ont perdu, dans une séquence précise, leurs membres. D'abord les membres antérieurs, puis après les membres postérieurs. Et ça, on peut le voir justement au niveau embryologique, puisqu'on ne voit même pas chez les pitons des bourgeons de membres antérieurs, mais des bourgeons de membres postérieurs. Et même au niveau génétique, il y a une sorte de vestigialité des caractéristiques de la formation des membres postérieurs chez les pitons et les boas, mais pas du tout des membres antérieurs, dans lesquels on ne retrouve pas tout ce qui permet de faire même ne serait-ce qu'un bourgeon de membre. Donc c'est un truc de fou, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc je vous parlais de reptation parce que c'est quelque chose de très très important, puisque comme j'en parlais, la synapomorphie du groupe des tétrapodes, le fait de porter un membre chirydien, c'est donc ce qu'a transmis l'ancêtre de tous les tétrapodes qui réalisait une locomotion de reptation à l'ensemble de ses descendants. Lui, son ancêtre un tout petit peu plus lointain, à ce tétrapode qui commençait à réaliser une conquête du milieu terrestre sur la terre ferme, eh ben, il était aquatique, parfaitement aquatique. C'était des sortes de poissons, entre guillemets, qui déambulaient, mais cette fois-ci dans l'eau, qui nageaient. Et si on revient à la vitrine, je vous ai parlé quand même de plusieurs espèces qui sont capables de locomotion aquatique uniquement, comme par exemple le dauphin. Donc là, faut s'imaginer un tout petit peu le caractère pervers de l'évolution. Vous avez un animal qui va passer des millions d'années à transformer progressivement son corps, offrir au reste de toutes les lignées une innovation évolutive incroyable, le membre chirydien, et certaines espèces vont dire « Moi, fuck, moi je vais perdre tous tes membres, hein. Rien à péter, hop, je vais devenir un serpent. » Et d'autres qui font « Ah ouais, c'est sympa d'être sur la terre ferme, mais en fait, je vais retourner dans l'eau. » Donc, bien joué l'évolution. Et d'ailleurs, ça, le retour à la vie aquatique des tétrapodes, bah, c'est la suite du dossier que je vous propose. Et on va s'intéresser tout d'abord sur les cétacés. Et c'est quand même un comble hein, d'être revenu sur la vie aquatique. Et parmi les cétacés, il y a, encore une fois, quelque chose d'assez intéressant. C'est de voir, encore une fois, toutes les manières dont ces organismes-là sont devenus inféodés au mode de vie aquatique. Alors, il y a une raison pour laquelle les cétacés actuels, par exemple, ne peuvent pas déambuler sur la terre ferme. Et comme le disait Johan en début de dossier, gros spoiler, gros divulgachage, en effet, tous les cétacés ont perdu leurs membres postérieurs. Donc, ils n'ont que des membres antérieurs. Et ces membres antérieurs prennent une apparence particulière, celle d'un membre chirydien, certes, mais qui leur offre la possibilité de nager parce que ils prennent l'apparence de ce qu'on appelle une palette natatoire. Une palette natatoire, c'est une sorte de... Comme la palette pour pouvoir peindre et sur laquelle vous mettez votre peinture, c'est une sorte de grosse plaque qui vous permet de pousser l'eau et de déambuler. Donc autant dire que c'est totalement inefficace pour pouvoir marcher sur la terre ferme ou même réaliser une reptation, c'est pas possible. Alors, généralement, mes étudiants qui ont bien écouté tout le début de mes explications sont un tout petit peu chauds pour pouvoir refaire un tout petit peu le travail. Je leur demande, alors à votre avis, quelles sont les preuves qu'on peut dire qu'un cétacé, ce soit bel et bien un tétrapode qui a perdu les pattes arrière? Donc, le brayon. Chercher les pattes avant. Les dauphinos. Les zoogopodes. On casse les os. On casse. Quel bruit ça fait. Que je vous ai pas avec vous. De manière un petit peu plus structurée. On commence par les preuves fossiles. Existe-t-il des cétacés fossiles dans lesquels on voit non pas deux pattes, mais plus de pattes, et donc qui illustrerait la perte progressive des membres postérieurs? Eh bien, c'est le cas. Et je vais mettre j'invite Elia plutôt à mettre dans la chatroom une image de fossiles qu'on peut obtenir de cétacés pour retrouver dans différentes strates géologiques. Il y a par exemple Dorudon qui a quatre pattes, Rhodocétus, pareil, quatre pattes, Ambulocétus qui marchait sur la terre ferme et qui était probablement amphibie, Pachycétus qui avait de longues pattes, on dirait pratiquement un cheval, et Indoius, le plus vieux fossile de cétacés, qui avait à peu près la taille d'un raton laveur et qui était muni de quatre pattes et qui était parfaitement amphibie. Donc on a déjà des preuves fossiles de cétacés. Je vois qu'il y a une petite question. Oui, alors c'était Blue Phoenix qui demandait est-ce qu'il y a eu plusieurs sorties de l'eau au cours de l'évolution par des animaux? Oui, notamment les insectes, les crustacés. Vous connaissez des crustacés terrestres comme par exemple les cloportes ou les crabes qui sont un tout petit peu inféodés. Il y a de nombreux groupes de gastéropodes qui sont sortis de l'eau pour conquérir. Et nous, en fait, on est arrivé très très tard sur la terre ferme. On est un des derniers groupes, les tétrapodes, à avoir conquis la terre ferme. Les insectes, c'était bien. Daon fait remarquer que le retour à la vie aquatique, du coup, c'est comme les nouveaux campagnards qui retournent dans la ferme de la grand-mère après avoir passé 10 ans en ville. C'est exactement. Ouvrir des vignes de biodynamie. Okay, elle a bien suivi ta métaphore. C'est parfait. Ils sont très très mal vus par le reste des vrais animaux aquatiques. En effet. T'as regardé le parigot là qui se balade avec ses deux fausses pattes là. Voilà. Et Chloé te fait remarquer de ne pas oublier les plantes, bien sûr, sur le retour à la vie aquatique. Oui, mais on parlait d'animaux. Le vrai sujet. Le vrai sujet intéressant de cette chronique. Biologie animale. On s'en fout des... Pardon. Je t'embête. Et docteur Vallée demande, si on parle cétacé à quatre pattes, comment définit-on un cétacé, du coup? Voilà, c'est une très très bonne question. Et vous allez voir à peu près comment je m'en sors généralement quand j'ai pas la réponse sous le nez face à mes étudiants. Alors, la première, c'est la digression. En fait, les cétacés, ça appartient à un grand groupe, le groupe des cétartiodactyles, et donc les plus proches parents des cétacés, ce sont des animaux comme les cochons, et d'ailleurs le plus proche parent à l'heure actuelle, c'est l'hippopotame, qui est parfaitement amphibie. Donc là, le mec, il a oublié la question. Et sinon, je dis, je sais pas, je chercherai, et ferme ta gueule. Bien. Non, non. C'est une bonne question. Il y a certainement certaines caractéristiques des cétacés très, très importantes, mais je les ai pas en tête. Cétacé ne m'embête plus. Cétacé, en effet. Cétacé, dit la baleine. Je me cache à l'eau. Non, c'est très nul. C'est très, très nul. Non, non, non, je l'adapterai. Je l'adapterai. Elle me plaît bien. Mais finalement, la question, elle est très, très intéressante parce que, encore une fois, c'est comme tétrapode. Le fait, une des caractéristiques des tétrapodes, une des synapomorphies des tétrapodes, c'est d'avoir des membres chirédiens. Mais je rappelle que c'est pas obligé que cette caractéristique soit présente chez l'ensemble des descendants des tétrapodes. Donc certes, il y a peut-être des synapomorphies du groupe des cétacés, de l'ensemble des cétacés, donc avec les espèces fossiles, mais ces caractéristiques, ça se trouve, elles sont perdues chez les cétacés actuels, qui fait que j'arrive pas à me rappeler quelles caractéristiques précises à former une innovation évolutive de ce groupe-là. C'est pas l'histoire des fanons et tout ça, non ? Non, parce que, par exemple, les fanons, ça, c'est une structure qu'on retrouve uniquement chez les cétacés qu'on appelle mysticètes, et qui n'est pas présent chez les odontocètes qui ont bel et bien des dents. Donc, les dauphins, par exemple, ils ont des dents bien formées, les cachalots ont des dents, et c'est seulement les cétacés mysticètes, les baleines mysticètes, qui ont des fanons. Et le comment ça s'appelle? L'évent. Oui, le trou. Le trou pour pouvoir respirer, c'est en effet quelque chose auquel je pensais. Le problème, c'est que Indoius, comme on peut le voir dans la petite représentation, n'a pas d'évent. En fait, l'évent est apparu progressivement au cours de l'évolution des cétacés. Donc ce n'est pas une synapomorphie du groupe des cétacés globaux avec ancêtres fossiles présentant les quatre membres. Non mais laisse tomber, je l'ai pas. j'ai pas la caractéristique là-dedans, mais je trouverai. Bon, tu nous diras. Oui, je vous le dirai. Toujours est-il que ça forme qu'une seule preuve que les cétacés ont bel et bien perdu leurs pattes. Pour ceux qui sont attentifs et qui regarderaient l'image des cétacés actuels, il y a aussi une preuve vestigiale dans le squelette. Et si vous vous baladez d'ailleurs dans la grande galerie de l'évolution ou dans la galerie d'anatomie comparée, que vous vous rapprochez de certains des spécimens, vous pourrez remarquer que sont disposés de part et d'autre de la colonne vertébrale vers la partie postérieure des petits os qui forment en fait le pelvis et les fémurs vestigiaux de la plupart des cétacés. C'est-à-dire qu'on est capable de voir des structures vestigiales chez ces animaux qui sont bel et bien d'anciennes, qui sont des preuves qu'à un moment au cours de leur évolution, ils ont perdu, mais pas complètement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que généralement, les structures vestigiales, si elles sont maintenues au cours de l'évolution, c'est que parfois, elles gardent une fonction qui est importante pour l'animal. En l'occurrence, pour les baleines, on pense qu'il y a des muscles qui sont attachés sur ces structures pelviennes qui sont très très importantes pour la survie des animaux parce que elles permettent de manier leur énorme pénis. Voilà. Donc sans ces os-là, les énormes baleines ne pourraient pas pouvoir diriger leur pénis et réaliser la fécondation. Donc, heureusement qu'il y a encore ces structures vestigiales qui sont des sources d'adhérence musculaire et permettant de la copulation. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que ces structures ne sont pas disparues de l'ensemble des cétacés comme on peut le voir maintenant. S'ensuit l'épreuve embryologique. Et donc, qu'est-ce que vous attenderiez à voir chez des embryons de cétacés et qui pourraient corroborer... Des pattes arrière. Alors, les pattes arrière, le truc, c'est qu'en embryogenèse, tu les verrais juste à la fin du développement. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Et au cours du développement, c'est pas des pattes qu'on pourrait voir. Des bourgeons. Ben voilà. Des bourgeons de membres qui sont bel et bien visibles lorsqu'on regarde... Alors, c'est un petit peu hardcore hein, pour ceux qui veulent s'éviter de regarder des fœtus de cétacés, mais on voit bel et bien des structures qui évoquent des petites bouboules de part et d'autre. Donc, il y a bien entendu les bourgeons de membres antérieurs qui vont continuer de se former pour donner les nageoires du dauphin, mais des bourgeons de membres aussi postérieurs qui vont se résorber au fur et à mesure du développement et qui vont uniquement permettre d'achever la formation d'un bassin qui est non lié à la colonne vertébrale et d'un tout petit fémur. Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez du dernier type de preuve qui nous permettrait de voir si une structure a disparu ou pas? On avait fossiles, vestiges, embryologie. Bah, la génétique. Alors la génétique, tout à fait, mais comme c'est pas très très sympa à montrer des gènes face à des étudiants, il y a quelque chose quand même d'un peu plus funky et spectaculaire. Des souris qui ont des embryons de baleine. Alors je viens de mettre un embryon de baleine dans la chatroom avec les petits buds. Ah ouais. Justement, on arrive à voir. Moi j'avais mis la diapositive aussi, je sais pas si elle est passée. Elle est passée, elle est passée. D'accord, parfaite. Tu parfait, merci. Eh bien, en effet, on pourrait montrer des souris dans lesquelles on aurait donné les régions régulatrices d'une baleine pour voir une souris uniquement avec des parties antérieures apparaître. Mais c'est pas ce que j'avais en tête. Il y a une autre chose qui est très très intéressante, c'est le fameux atavisme, la résurgence de caractéristiques ancestrales chez un ou deux mutants qui arrivent. Eh bien, ça existe. Il y a un fameux dauphin qui a été trouvé, c'est une femelle, qui a été observée et dont on a documenté la présence de membres postérieurs. C'est donc un dauphin à quatre nageoires. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Moi, je sais que quand je montre ça à mes étudiants, ils sont là, c'est incroyable, etc. Alors, bien entendu, cette dauphine cette femelle dauphin n'étant pas dauphisson, cette dauphissonne, tout à fait. Dauphinoise. Ah non, mais dauphinoise. Maintenant elle est dauphinoise. Oui, pourquoi pas. Donc cette femelle dauphin n'étant pas encore décédée, on n'a pas, on la voit de temps en temps. Elle est observée par certains plongeurs, mais on n'a pas encore véritablement documenté l'apparence des nageoires postérieures. Pour ça, il faudrait récupérer à sa mort éventuellement sa dépouille et pouvoir voir à quoi ressemblent ses pattes postérieures. Donc on n'a pas encore l'anatomie à l'intérieur, mais on voit sur certaines photos, de manière exemplaire et vraiment spectaculaire, des pattes postérieures. Ah ouais, on les voit vachement bien en plus, hein, c'est pas tout petit quoi. C'est pas de la blague. Hein. Non, non, non. Donc voilà comment, rapidement, avec quatre niveaux de preuves, fossiles, vestiges, embryologie et atavisme, on peut de nouveau prouver qu'il y a bel et bien eu perte des membres postérieurs chez les cétacés. Mais en fait, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que ce sont pas les seuls mammifères qui sont revenus à la vie aquatique. Il y a bel et bien les cétacés, mais il y a d'autres animaux qu'on appelle les siréniens, et ce sont les lamantins et les dugongs, et qui sont eux-mêmes revenus à la vie aquatique. Alors pour pouvoir démontrer que c'est un retour à la vie aquatique indépendant des cétacés, bah il faut tout simplement documenter le fait qu'ils ne soient pas proches parents, que les siréniens et les cétacés soient pas plus proches entre eux que de toute autre espèce. Et ça c'est vraiment très très intéressant, parce qu'en fait on s'aperçoit que si on regarde la phylogénie de tous les mammifères, eh bien les cétacés sont les plus proches parents des hippopotames, un grand groupe qu'on appelle les Laurasiatariens, mais bon, ça, on va pas se casser la tête derrière ça. Alors que le groupe que je viens de vous évoquer, Lamantin et Dugong, le groupe donc des Cyréniens, est le plus proche parent des éléphants, les fameux pachydermes qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est assez remarquable, parce que quand on les regarde dans l'eau, bah, ça ressemble vraiment à des cétacés. Il y a deux nageoires, il y a une queue qui leur permet de se propulser, et une totale perte des membres postérieurs. Et pourtant, eh ben, ils n'ont pas du tout perdu leurs membres postérieurs et acquis des manières de respirer dans l'eau de la même manière que les cétacés. C'est encore une fois, cette fois-ci, une manière indépendante de perdre des caractères. Ici, on est en face d'un processus évolutif, que moi j'adore, et qu'on appelle la convergence évolutive. Comment des espèces qui sont non apparentées peuvent avoir des apparences similaires. Et ça, c'est essentiel d'en faire la distinction avec l'homologie. Pour pouvoir jongler avec ces notions, on va revenir avec le membre chirydien. Cyréniens et cétacés possèdent des membres chirydiens. Il suffit de regarder leurs membres antérieurs, leurs nageoires, pour s'apercevoir que on retrouve la structure classique des membres chirydiens. Vous prenez une baleine, vous lui retirez la peau, vous regardez les os en dessous, et vous allez voir que dans le membre chirydien, on retrouve un stylopode, deux os qui forment le zeugopode, et un fameux otopode. Eh bien, c'est la même chose chez les lamantins et les dugongs. Leur membre antérieur, leur nageoire, est formé de la même structure. Donc, tout le membre chirydien des cyréniens et des cétacés est ici une homologie. C'est une caractéristique ancestrale du groupe des tétrapodes dont chacun a hérité et n'a pas perdu pour les membres antérieurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les deux forment des nageoires, mais pas de la même manière. En l'occurrence, si on regarde les nageoires typiques des cétacés par rapport aux nageoires typiques d'un dugong ou d'un lamantin, eh bien, même si on retrouve la même structure, bah, ça n'a pas du tout la même forme, et notamment si on s'intéresse à l'otopode. L'otopode, je vous rappelle, c'est la fameuse structure qui porte les doigts, la dernière partie du membre chirydien. Si vous regardez l'otopode d'un cyrénien, déjà, sans regarder le squelette, vous pouvez remarquer qu'il y a une énorme similitude avec les pattes des éléphants, parce qu'on voit les ongles sortir des pattes des lamantins, alors que c'est pas du tout quelque chose qu'on est capable de voir chez les cétacés. On voit des ongles sortir, et ces ongles ressemblent vraiment à s'y méprendre à des ongles de pachyderme. Et d'autre part, si maintenant on regarde vraiment le squelette, eh ben, on voit que les phalanges des doigts du lamantin sont tout à fait classiques, avec le même nombre de phalanges à peu près que nous. On possède sur notre pouce et le reste des doigts de la main. Par contre, si on regarde maintenant l'otopode d'un dauphin, eh ben on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de complètement fou, c'est qu'il y a une sorte d'augmentation du nombre d'os dans les phalanges chez les dauphins, chez les baleines, etc. On appelle ça une hyperphalangie, et ça, c'est une caractéristique des cétacés actuels. C'est-à-dire que la plupart des cétacés actuels, que ce soit le beluga, que ce soit la baleine, le cachalot, etc., ont tendance à avoir une hyperphalangie. Et cette hyperphalangie fait que leur main est beaucoup plus longue et leur permet d'avoir de très très longues nageoires permettant la propulsion dans le milieu aquatique. Donc là, en fait, quand on met côte à côte une image de la nageoire d'un cyrénien et une image de la nageoire d'un cétacé, on se rend bien compte qu'ils ont bien hérité d'un membre chirydien d'un ancêtre commun, mais par contre, que l'histoire évolutive de la déformation de leurs membres pour leur permettre de nager est totalement différente et issue d'une histoire évolutive différente. C'est donc bien un cas de convergence évolutive. Grâce à la comparaison, là, de l'anatomie comparée, eh bien, on peut documenter le fait que ces deux mammifères sont issus de lignées qui sont retournées dans le monde aquatique de manière totalement indépendante. Et alors, on peut étendre ce retour à la vie aquatique chez les tétrapodes à plein d'autres espèces. Et c'est vraiment très très très intéressant de voir ça, parce que quand on compare ces espèces-là, on peut aussi s'intéresser à l'apparence que prennent leurs membres chirydiens et se rendre compte d'à quel point la nature joue avec cette structure classique, un os, deux os et une myriade d'os dans l'otopode, pour faire des structures permettant d'obtenir des palettes natatoires totalement différentes. Si vous prenez par exemple certains tétrapodes aquatiques qui sont maintenant éteints, comme les mésozoaires, les mosasaures, les ichthyosaures, chacun de ces groupes-là ne sont pas des dinosaures, même s'ils s'appellent Zor, on voit que ce sont trois lignées différentes de reptiles, entre guillemets, qui sont retournées à la vie aquatique. Alors, une manière très très simple tout de suite de voir que c'est une histoire différente que celle des cétacés, c'est que généralement, ceux-là, ils n'ont pas seulement deux pattes leur permettant de se propulser, mais quatre pattes, quatre palettes natatoires. On le voit chez les ichthyosaures, qui ressemblent superficiellement à des dauphins quand on regarde les reconstitutions, mais quand on regarde un squelette, eh ben on s'aperçoit que déjà il y a quatre pattes, et qu'en plus, il y a un nombre d'os complètement énorme dans les autopodes, avec une hyperphalangie encore, mais une hyperphalangie couplée avec un nombre surnuméraire aussi des os du carpe et du métacarpe. Et pareil pour les pattes postérieures. Et chez les plésiosaures, par exemple, là, c'est carrément la folie. Vous avez une hyperphalangie, encore une fois, pour les membres antérieurs et postérieurs, qui leur fait à prendre l'apparence d'énormes palettes natatoires longues, etc. Et d'ailleurs, c'est probablement un ichthyosaure ou un plésiosaure qui aurait inspiré la légende du monstre du Loch Ness. C'est cette créature qui n'est pas un dinosaure, je le rappelle, et qui serait retrouvée dans le Loch, même si c'est, on peut être quand même particulièrement dubitatif sur cette affirmation. Ah bon? Non. D'accord, très bien. Eh bien, tu as un faisceau de preuves à me fournir pour vaincre mes étudiants. Bah justement, j'ai des photos, je voulais te montrer. Ouais. Moi, j'ai voilà. Un zoopode. Enfin, non, bref, n'importe quoi. Bon, arrêtez les blagues, on va se retrouver avec les zététiciens sur le dos, là. Ouais. Non, ne faisons pas, n'attirons pas. On n'a pas de apo à zététiciens. Une dernière espèce, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'organismes tétrapodes qui sont totalement inféodés au monde aquatique, à part les cétacés et les trois exemples que je vous ai donnés? Des tétrapodes, hein. Les tortues. Très très bien. Alors les tortues. Ah, il y en a qui suivent, hein. Ah ouais. Tortues tétrapodes, hein. Tu vois que si tu dissèques les membres des tortues, il y aura pas de problème. Tu retrouveras les membres. Il y a aussi par exemple des serpents, hein, qui sont aquatiques. Donc il y avait d'autres manières, mais moi ce qui m'intéressait c'est de comparer les membres chiridiens. Donc des serpents qui n'ont pas de membres chiridiens, ça va bien. Maintenant, on va s'intéresser un tout petit peu aux palettes natatoires. Eh bien, les tortues, c'est un tout petit peu triché parce qu'elles sont pas complètement inféodées au monde aquatique, puisque elles sont obligées de pondre sur la terre ferme. Il y a pas de tortues qui s'abstiennent de pondre sur la terre ferme. Et donc, toutes les tortues sont capables d'une locomotion. Mais si vous avez déjà vu une tortue déambuler sur la terre ferme, enfin une tortue marine, hein, il s'entend, c'est pas tip top, quoi. Eh bien, là, encore une fois, on peut disséquer la palette natatoire d'une tortue et s'apercevoir qu'ils ont des membres postérieurs et antérieurs en forme de palette sans avoir besoin d'hyperphalangie. Ce sont tout simplement les os, cette fois-ci, qui sont plus longs sans augmenter le nombre d'os. Donc, ils ont tout simplement de très très grandes phalanges. Et vous auriez pu aussi me citer, par exemple... Le manchot. Voilà, le manchot... qui faisait partie de cette fameuse vitrine qu'on a un petit peu délaissée et qui est aussi un animal, on va dire, semi-aquatique. Et là, ce qui est très très intéressant avec le manchot, c'est que quand on regarde l'organe qui leur sert de palette natatoire, eh ben, cet organe, il a une histoire évolutive totalement différente. Si c'est une palette natatoire au même titre que la palette natatoire d'un dauphin, si vous regardez les os qui composent la palette natatoire, je sais pas pourquoi j'ai parlé avec l'accent marseillais d'un coup, qui compose. Bon, bref. Si vous comparez la palette natatoire d'un dauphin avec celle d'un manchot, c'est pas du tout la même organisation des os, si ce n'est la structure classique d'un membre chirurgien avec stylopode, zygopode et autopode. En effet, les manchots, c'est un tétrapode, mais pour être un tout petit peu plus précis, ce sont des oiseaux. Donc, en fait, quand on regarde la palette natatoire d'un manchot, à l'instar de tous les oiseaux, cet animal-là a hérité non pas d'un membre chirurgien palette natatoire dans sa lignée, mais d'un membre chirurgien adapté, voilà, d'un oiseau. Or, les oiseaux, leur mode de locomotion avec leurs membres antérieurs, c'est le vol battu. Donc, L'histoire évolutive des manchots qu'on va découvrir, je vous rappelle, ça va être de comprendre comment une aile, un membre chérédien adapté au vol battu, permet de former une palette natatoire. Et ça, c'est très intéressant parce que on va pouvoir le comparer avec d'autres animaux qui cette fois-ci sont capables de vol battu. Donc gardez en tête cette idée que les manchots sont capables de nager, et de marcher avec leurs pattes postérieures, mais ils sont capables de nager, et pourtant, ils ont hérité d'un organe permettant le vol battu. Ils sont trompés, quoi. Non, ils sont pas trompés, de la même manière que les serpents sont pas trompés en perdant leurs pattes. Ils ont juste une histoire évolutive qui leur permet d'acquérir d'autres fonctions que celles prévues initialement. Ils ont dilapidé ou complètement modifié la ferme de leurs parents, si on peut revenir à cette image-là. Alors, avant de parler sur le vol battu, je crois qu'il y a... De l'adaptation aussi. Oui, de l'adaptation, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions qui sont revenues ou pas? Pas vraiment, il y a quelques commentaires, mais pas directement reliés. Moi, j'ai une question, tu te dis, ce pourquoi c'était prévu, il n'y a rien de prévu. Dans le sens où ce pourquoi utilisait l'ancêtre de ces espèces initialement. C'est ça de ce que je veux dire de prévu. Ouais. Et qui leur a... Ouais. Bah, vas-y. Non, et qui leur a permis de s'en sortir mieux que les voisins. De leur lignée, oui. Ouais. C'est un petit peu difficile de dire de leurs voisins, puisque à peu près à n'importe quel moment de la vie sur la planète, il y a énormément d'espèces qui vont plutôt bien, en fait. C'est juste que chacun a une adaptation particulière, et dans leur propre lignée, il y a des mutations qui vont être délétères et d'autres qui vont être favorisées. Alors juste, il y a Blue Phoenix dans la chatroom qui veut absolument que tu parles des oasins huppés qui ont des petits avec des griffes aux pattes et que ce sont des oiseaux ruminants. Certes, mais alors là, je vais botter en touche et inviter tout le monde à acquérir un livre fort bien qui s'appelle Nature secrète, rédigé par Patrick Beau et Pierre Kerner. Et Pierre Kerner. Dans lequel le oasin... Oui, tout à fait. Et dans lequel l'oasin huppé est une des entrées et permettant en effet de savoir que ce sont des oiseaux qui possèdent des griffes à l'état juvénile et qui en plus sont capables en effet de ruminer grâce à une flore intestinale adaptée et qui leur fait qu'ils puent vraiment de la gueule. C'est très joli comme oiseau. C'est très joli, mais à mon avis pas très très agréable à renifler. Bon. Voilà. Alors, on en vient au vol battu, et là, j'espère que je ne vais pas trop marcher sur les plates-bandes d'Alexa, puisque je vais parler une comparaison des différentes espèces de tétrapodes qui sont capables de vol battu. Alors, pour le coup, il n'y a pas énormément d'espèces, enfin, de lignées, on va dire, qui ont acquis cette caractéristique complètement incroyable d'être capables d'utiliser leurs membres pour pouvoir voler. En l'occurrence, il y en a seulement... Poissons roulants. Oui, mais ce sont pas des tétrapodes. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu... Pardon, tu l'as peut-être déjà dit ou je n'ai pas entendu, mais pourquoi est-ce que tu dis vol battu, c'est par rapport à d'autres vols? C'est pour l'opposer au vol plané, dont sont capables pas mal d'animaux, comme par exemple les écureuils volants. Les lézards volants, encore une fois, dans Nature secrète, achetez-le. Et d'autres espèces qui font juste un vol plané, mais qui n'utilisent pas des membres pour pouvoir soutenir un vol pendant plusieurs... Le terme anglo-saxon est... Parce que le vol plané, ça dure pas... Non, mais c'est surtout que le terme anglo-saxon est meilleur, je trouve, que vol battu. En fait, en anglais, c'est powered flight. Du coup, comment on pourrait traduire ça? Le vol avec puissance, quoi. Donc ça veut dire que tu auto... Enfin, c'est toi qui donne ta puissance au vol, quoi. Et je trouve que ça donne bien cette image que, voilà, chez... Ouais. Effectivement, les chauves-souris, les oiseaux, c'est eux-mêmes qui volent en... T'as pas besoin de t'élancer d'un truc pour planer et voler, quoi. Tu décolles et tu voles, tu alimentes ton vol toi-même, voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est quand on parle que d'oiseaux, les vols battus, c'est un vol particulier. T'as effectivement les oiseaux planent et font du vol battu. Oui. Enfin, oui. Le cormoran fait que des vols battus et l'aigle, il fait quasiment que planer, quoi. Oui. Souvent. Mais c'est pareil pour pratiquement toutes les espèces qui sont capables de vol battu, sont aussi capables de faire un vol plané, bien sûr. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour faire du vol battu? Bah, il faut une structure avec une grande surface qui se trouve sur un membre capable de bouger assez rapidement. Donc, chez les tétrapodes, le membre chérédien, ça va être le membre antérieur, le membre de choix pour pouvoir réaliser cette prouesse. Et il y a seulement deux lignées qui sont capables de vols battus et qui sont restés à l'heure actuelle, et une lignée éteinte aujourd'hui. Donc, on a évoqué les oiseaux qui sont capables de vols battus. Puisque j'ai évoqué Alexa, j'imagine que la plupart d'entre vous sachent les de quelle autre lignée actuelle on va parler si on parle de vols battus, qui était aussi dans la vitrine. Le gros bide. Alors, lui, chauves-souris. Les chauves-souris. L'huîtrier pie, c'est un oiseau. Ah, et donc, oui. Il fait partie de la première catégorie. Oui. Et donc, chauve-souris, oiseau, on est d'accord, ils ont hérité tous les deux d'un membre kyridien, mais le membre kyridien dont ils ont hérité, au moment où ils étaient encore pas distincts les uns des autres, hein, ce membre kyridien, il n'était pas adapté au vol battu. Donc, on a deux histoires évolutives différentes permettant aux oiseaux un vol battu et aux chauves-souris un vol battu. Donc c'est encore une fois une illustration de ce qu'on appelle une convergence évolutive. Il y a un troisième groupe qui est capable de vol battu, qui était capable de vol battu. Je sais pas s'il y en a certains qui l'ont en tête. Ptérodactyles. Les ptérodactyles. Ptérodactyles signifiant littéralement ptér, l'aile, et dactyle, le doigt. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Alors, juste pour rappeler quelque chose d'assez important. Tout à l'heure, on a dit que les manchots étaient des animaux qui étaient capables de nager et pas de voler. Ils sont plus capables de vol battu. Petite parenthèse pour finir ça. Ce sont donc des oiseaux aquatiques. Il y a un autre oiseau aquatique assez connu qu'on appelle le pingouin. Et pour éviter de confondre pingouins et manchots, puisque ce ne sont pas les mêmes choses. Les manchots, ce ne sont pas des pingouins. Rappelez-vous que les pingouins, ce sont des oiseaux capables de voler. Voilà. Alors, c'est pour la langue française, puisque en anglais, penguin, ça veut dire uniquement les manchots, puisque, bien entendu, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Les pingouins étant, en anglais, ça se dit hawk, A-U-K. Voilà. Il y a eu une sorte de petite confusion entre la langue anglo-saxonne et la langue française. Mais nous, manchots, ce sont bien toutes les espèces d'oiseaux aquatiques vivant sur le pôle sud, alors que les pingouins vivent au pôle nord et sont capables de vol battu. Ce sont des oiseaux nicheurs. Fin de la parenthèse. Maintenant, on va comparer ces fameux membres kyridiens capables de vol battu chez les oiseaux, les chauves-souris et les ptérodactyles. Et c'est là que on comprend encore une fois l'histoire évolutive totalement différente qui existe, qui a permis, par convergence évolutive, de donner des ailes à chacun de ces animaux. Parce que, autant les oiseaux, l'aile, si vous prenez par exemple un oiseau et que vous lui enlevez les plumes des membres antérieurs, c'est plus possible pour eux de voler. Puisque l'aile, elle est formée essentiellement par des structures qui sont fichées à l'intérieur du membre antérieur. C'est-à-dire que leur membre kyridien antérieur possède des structures dans lesquelles des grandes plumes, généralement plus des plumes avec une forme particulière, on dit que ce sont des formes asymétriques, ces plumes vont réaliser réellement la voilure de l'aile pour ces oiseaux. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas besoin véritablement de leurs doigts, puisque la plupart de leurs doigts ont disparu. En l'occurrence, la plupart des oiseaux ont seulement deux os de doigts, voire trois. Donc vraiment très très peu d'os des doigts, et c'est plutôt des endroits dans lesquels vont se ficher les plumes qui vont permettre d'obtenir des ailes permettant le vol battu. Donc, on compare la structure maintenant du membre kyridien d'un oiseau avec celle d'une chauve-souris, ça n'a rien à voir. Certes, on retrouve encore une fois la structure du membre kyridien, stylopode, zygopode, autopode, mais par contre, on s'aperçoit que chez la chauve-souris, c'est des allongements gigantesques des phalanges et de l'autopode de manière générale qui va permettre de former la sorte de d'échafaudage, le sorte d'échafaudage permettant une véritable voilure avec de la peau qui est étendue entre chacun des doigts. En l'occurrence, chauve-souris, le nom du groupe auquel ils appartiennent, on appelle ça les chiroptères, et là, on en vient à faire une boucle avec le sujet de ce dossier. Chiroptère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme kyridien, le membre kyridien, kyr, la main, ptère, l'aile, c'est des animaux qui utilisent leurs mains pour voler en guise d'aile. Donc les chauves-souris, c'est véritablement, si vous avez besoin d'imiter un oiseau, vous vous mettez des plumes sur votre bras pour voler et vous battez des bras. Une chauve-souris, vous rapprochez vos mains de votre buste et vous les agitez et là vous volerez véritablement comme des chauves-souris. Et on en vient maintenant à la troisième lignée qui a acquis le vol battu parmi les tétrapodes, les fameux ptérodactyles, dans lequel ptère l'aile et cette fois-ci on entend dactyle qui veut dire le doigt. Les ptérosaures, ptérodactyles de manière générale, ce sont des organismes qui ont acquis le vol battu à l'aide de l'allongement gigantesque d'un seul de leurs doigts, l'annulaire. Et donc si vous voulez imiter un ptérodactyle en train de voler, eh ben vous étendez vos bras et surtout vous agitez vos annulaires et vous volerez exactement comme un ptérodactyle. Et donc, encore une fois, cette fois-ci, en comparant trois structures qu'on appelle des ailes, on s'aperçoit à quel point l'évolution a bricolé en modifiant, en allongeant des doigts, en permettant de ficher des structures comme des plumes ou en allongeant tous les doigts comme pour les chauves-souris. Elle a permis l'évolution d'obtenir trois ailes drastiquement différentes, mais qui sont d'apparence pour certains similaires. Donc on a un cas de convergence évolutive en modifiant la structure fine du membre chirridien, qui est la véritable homologie de tous les tétrapodes. Donc voilà, une petite info avant de finir, c'est que la plupart du temps, justement, quand je montre ces organismes-là, je leur dis, bon, voilà, donc là, on est d'accord, parmi les tétrapodes, parmi ces tétrapodes qui sont capables de vol battu, trois tétrapodes qui sont les chiroptères, les ptérosaures et les dinosaures. Et généralement, mes étudiants disent « Ah, monsieur, vous êtes trompé, pourquoi vous avez dit dinosaures ?» Je fais « Parce que les oiseaux sont des dinosaures et les ptérosaures, les ptérodactyles, ne sont pas des dinosaures. C'est un groupe frère des dinosaures, mais pas véritablement des dinosaures. » Donc c'est pour ça que dans Jurassic Park, mettre des putains de ptérodactyles, ça n'a aucun sens, puisque ce sont pas des dinosaures. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une référence culturelle. Je comprends pas qu'ils aient pu faire une erreur pareille. Alors, une erreur, non, c'est juste qu'ils... Ils n'existaient pas au Jurassique ? Non, c'est beaucoup plus antérieur au Jurassique. Ouais. D'ailleurs, la plupart des espèces sont plutôt pas du Jurassique. Mais c'est marrant de voir des ptérodactyles. Oui, mais ça aurait été moins marrant de mettre de véritables dinosaures comme des pigeons. Rou, rou, rou. Les dinosaures parisiens. Alors, le pigeon posé sur le T-Rex, je pense que ça aurait eu de la gueule. Ah, ça aurait été marrant, ça. Surtout qu'il lui chie dessus, tu vois. Non, et puis, et pour revenir à ce que tu disais aussi, c'est marrant parce que dans les conférences maintenant, on voit beaucoup de gens qui comparent les vols supposés des ptérosaures, puisque forcément, on peut pas les voir voler, hein, tout ça s'est reconstruit, mais qui comparent chauves-souris, ptérosaures, notamment au niveau des membranes, puisque contrairement aux oiseaux, on a cette idée de membranes qui permettent de voler, donc soit entre le corps et les doigts, soit entre les doigts. Et donc il y a plein de choses qui sont faites là-dessus en ce moment, c'est vraiment un champ super actif. Et un autre truc que ça me faisait penser, ce que tu disais aussi, c'est que là on a vraiment une convergence évolutive, alors je vais rajouter un mot, fonctionnelle, puisque qui est obtenue par trois façons extrêmement différentes, comme tu l'as dit, alors que des fois on a des convergences évolutives où on a le même mécanisme qui se remet en place pour les convergences. On n'a pas forcément une convergence évolutive fonctionnelle, donc on a la même fonction ici de voler qui est mise en place par trois mécanismes très différents. Tout à fait, et pour vraiment appuyer sur cette notion-là, moi j'aime bien dire, voilà, donc quand vous dites « elle », vous parlez en fait d'une fonction, mais pas d'une structure, et vous pouvez, et pour vraiment que tout le monde comprenne et se rappelle ça, je dis, voilà, si Dumbo vole, il vole, je vous rappelle, avec ses oreilles, et donc ça c'est une convergence évolutive fonctionnelle, mais certainement pas une bonne manière de comparer l'anatomie de tétrapodes volants. C'est super intéressant, je trouve. Ah oui, Dumbo, ben oui. Comment on dit oreille en latin, pour savoir comment on l'appelle? Eh ben, ça s'appelle Oti, Oti, Oti Pter, ou Pteroti, Pterotique. Ok. Et voilà. Vous aurez bien noté que j'avais pas fini mon dossier, donc à la fin c'était un tout petit peu plus improvisé. Hein, mais... Non, c'est cool. Non. Non, c'est cool. Ouais. Il y avait moins de mauvaises blagues à la fin, effectivement, ça doit être ça. C'est ça, j'ai moins de temps pour les improviser. Moi, j'ai pas du tout remarqué, j'ai trouvé ça très bien jusqu'à la fin, merci. C'est gentil. Ça sera à l'examen, monsieur. Ouais. Bien sûr. Donc, tiens, en parlant d'examen. Paf. Si je vous dis deux os, vous me dites. Zeugopode. Autopode. Autopode. Zeugopode. Zeugopode. Zeugopode. Quelles sont les trois parties de l'autopode? Eh ben, le zeugopode et l'autopode et le. L'acropode, le stylopode et le. Ah, là, mais zéro. C'est irrécupérable. Non, il y a le stylopode, l'acropode et le zeugopode. Non, c'est pas ça. Les tarses, alors, les métatarses, c'est les phalanges. C'est très bien ça, tu vois. Lui, il botte en touche, c'est parfait. Ouais, non, mais attends. Il a repris le début du conducteur. En fait, ça, il triche à mort. Deux os, crac, crac. J'ai sorti mon marteau et... En fait, pédagogiquement, c'est une catastrophe ce que je fais. Non, c'est juste qu'on n'a pas de mémoire. Non, mais attends, putain, tu nous balances toute une série de mots hyper compliqués. Tu bien sûr. Tu crois que la synapomorphie, par exemple, je me souviens même plus ce que c'est, quoi. C'est une homologie vraie. C'est alors une synapomorphie. Alors si je me rappelle bien, comment il expliquait, c'est un caractère qui est partagé par toutes les espèces qui descendent d'un même ancêtre commun. Alors pour être précis, c'est une innovation évolutive parce qu'un caractère qui est partagé par tous les descendants d'un ancêtre commun, ça peut être aussi quelque chose d'encore plus ancestral. Ouais. Et là, ce sera pas une synapomorphie, mais une plésiomorphie. Merci. Ouais. Merci. Ouais, ouais, c'est... C'est donc pourquoi le Nyanyapod possède deux os. J'aime beaucoup le Nyanyapod. On est à l'acropole du savoir, moi, je dis. Pourquoi on possède... Pourquoi deux os pour le Zeugopod? Pas la moindre idée. Je sais pas si ça a un rôle fonctionnel ou si c'est... c'est quelque chose... une caractéristique ancestrale qui perdure sans pouvoir modifier. Mais je n'ai pas en tête de tétrapode qui a plus ou moins de deux os dans le zeugopode. Je ne crois pas. Pareil pour pas, le stylopode d'ailleurs. Il doit y avoir vraiment une sorte énorme contrainte embryonnaire et structurelle sur ces structures-là. Alors que pour l'autopode, c'est festival, hein. Perdre des os, rajouter des os, etc. Le panda, par exemple, s'est réinventé un pouce avec une modification de l'autopode. Bon, je voudrais pas arrêter les festivités, mais il est quand même 22h23. Eh, pour un de mes dossiers, c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, quelles sont les espèces avec lesquelles on peut jouer à pierre, feuille, ciseaux? C'est n'importe quoi. Bah, avec un cheval, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Pour faire ciseaux, quoi, c'est. Mais HK fait remarquer qu'il y a, des vestiges, en fait, de doigts chez certains équidés. C'est tout à fait vrai. Et je sais pas si c'était Karen Sears, Alexa, qui a participé à un article dans lequel il y a le décompte des doigts au cours de l'embryogenèse qui montre qu'il y a même presque 5 doigts oui, qui apparaissent oui, et puis après oui, qui disparaissent. Oui, c'était elle, ouais. C'est ouf. Ouais. Mais bon, là, on se spoil, là. On se spoil. Ouais. Il y a juste Gépif qui demandait en début d'émission, mais je l'ai gardé pour la fin, comment ça va maintenant, le muséum d'histoire naturelle, niveau vétusté, est-ce que ça a été bien rénové, tout ça? Donnez des sous. Alors, oui, de toute façon, donnez des sous. Mais nous, pour répondre à cette question, on a décidé de partir de la grande galerie d'évolution pour aller vers la galerie d'anatomie comparée pour deux raisons. Un, parce qu'on avait ce speech avec uniquement l'exploitation de cette petite vitrine rikiki dans l'intégralité de la galerie d'évolution, puisque eux, ils ont des spécimens naturalisés empaillés, donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Deux, le volume sonore de leur ambiance sonore est juste incompatible avec la pédagogie. En fait, ils ont mis une ambiance, et donc régulièrement, vous avez des bruits de pluie, des éléphants qui barissent, et surtout un tonnerre qui arrive toutes les 20 minutes, et généralement, ça arrive au moment où tu es en train de parler à tes étudiants. Tu te pètes la voix le faire. Et puis, à part ça, la quantité de lumière, c'est juste aberrant. Il y a plein de vitrines qui sont pas éclairées correctement, dont cette fameuse vitrine. Donc, nous, on a décidé d'aller dans quelque chose d'un peu plus charmant, la galerie d'anatomie comparée, qui est juste à l'autre bout du jardin des plantes, qui a des problèmes aussi, hein, parce qu'il y a des travaux régulièrement, mais il y a moins de monde. C'est beaucoup plus lumineux, Faut juste espérer qu'il y aurait pas des débordements de la Seine, parce que sinon ça c'est foutu pour cette galerie, quoi. En d'autres termes, donner des sous. Ouais. Ça serait pas mal que Claire elle nous fasse un dossier un jour sur sur ces galeries, ouais. Ouais, ouais, parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs à dire. Bon, allez, on va continuer. Et Léa, tu nous fais le quiz? Bien sûr, le quiz du moment est le suivant. La taille d'un muscle est proportionnelle... Non, pardon. La force d'un muscle est proportionnelle à sa taille, info ou intox. Pour répondre à cette question, vous pouvez nous envoyer des emails à podcastscience@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, on a hâte de lire vos hypothèses sur le sujet. Et réponse dans la prochaine émission Roue Libre. Et donc là, on parle de n'importe quel muscle, on est bien d'accord, c'est pas un muscle en particulier. N'importe quel muscle, un muscle, voilà. D'accord. Moi, je vais investiguer sur le muscle du pénis des baleines. Bah, je suis désolée, mais je pensais bien au muscle du pénis aussi, ouais. Ça en aiderait certains, d'ailleurs, je pense, mais d'en avoir. Ouh! Est-ce que tu penses à Idriss Aberkane? Ah, exemple! Oh, ça suffit maintenant, ça... Restez civilisés, enfin. Ah, moi, je sais pas, je l'ai pas testé celui-là, mais bon. Ah non, moi non plus. Celui-là. Shocking. Shocking. Enfin bref, passons. La citation. La citation. Tout à fait. La citation de ce dossier, je vais citer la Bible. Hein. On va pas... Oh. Et je dirais, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3,14, qui est une histoire quand même un petit peu farfelue par rapport à l'histoire évolutive qu'on a vue aujourd'hui dans ce dossier. Waouh! C'est ça qu'il a dit au pauvre serpent. Écoute, le débat est toujours ouvert. Le débat est toujours ouvert. Alors, je tiens à préciser, donc, tout à l'heure, je disais que j'écrivais donc un article en ce moment sur les organes vestigiaux et tout ça. Et quand on fait ça, en fait, l'avantage, c'est que quand je cherche des choses sur Google, même Google Scholar, je tombe sur des milliers d'articles d'intelligent design. Alors, c'est écrit comme des articles scientifiques, donc on commence à les lire, je fais « Ah, ça a l'air pas mal !» Et puis après, c'est assez rapidement le drame, donc il y a des choses assez drôles. Ah ouais. Voilà. Donc, bah, maintenant, tu auras la genèse du pi, en fait. Exactement. Voilà. C'est très utilisé par les créationnistes pour réfuter l'évolution, ce qui est paradoxal. Voilà, et bien, cette émission arrive donc à sa fin. Alors, nous, on est complètement biaisé hein, dans cette émission, mais quand même, merci Topo pour ce dossier absolument passionnant qui nous montre quand même finalement que l'évo-dévo, c'est une science très variée qui nous mêle anatomie, développement, biologie moléculaire pour répondre à des questions anciennes qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas tant que ça. Voilà, on espère que ce dossier vous aura permis d'y voir plus clair sur l'évolution des membres et de pourquoi on est finalement si proche d'un dauphin, d'une chauve-souris, d'un pangolin. Pour essayer en raccord avec l'actualité. Voilà, je vous rappelle quand même, parce que c'est vachement important, je me resservirai de cette quote. Ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. Voilà, stay safe, restez chez vous et que servir la science soit notre joie à tous.